traverser des mers, je saurai faire des fées, des machines, narguer des lois, les foudres divines, ça m'effraie pas. Je sais prendre un coup, rendre si, river des clous, ça j'ai appris. Je suis pas victime, je suis pas colombe pour qu'on m'habille. Je sais les hivers, je sais le froid, mais la vie sans toi, je sais pas.